Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons, chapitre 27, et nous sommes rendus à la mort de Jésus. Hier a été crucifié, aujourd'hui on va le voir mourir sur la croix. Notre Père du ciel, notre désir, c'est de comprendre la croix. Tellement de gens ne la comprennent pas. Tellement de gens la comprennent comme un fétiche. Plusieurs se la mettent alentour du cou, croyant que ça va les bénir d'une façon quelconque. Nous, nous voulons comprendre la raison de la croix, du supplice de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce moment où Jésus a été sur la croix? Nous voulons bien comprendre, parce que c'était ton plan, c'était ta volonté, c'était toi qui se révélais à travers ces moments-là. Parce que la croix est un grand moment de révélation de la personne de Dieu et de Jésus. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu dans les jours passés l'arrestation, la condamnation par les Juifs et par Pilate. On a vu ensuite qu'il a été déclaré par Judas, par Pilate, par la femme de Pilate, juste, innocent, mais ça n'a pas empêché tout ce monde de le crucifier quand même. On a vu que cette heure de souffrance a commencé par le fait qu'il a été battu de verge. Ensuite, on l'a couronné d'une façon complètement méchante. On l'a couronné en se moquant de lui, avec une couronne d'épines, avec un roseau comme ça, avec un vêtement écarlate, et on s'est moqué de lui, on l'a craché dessus, on l'a bafoué. Et finalement, on l'a mis en croix, en inscrivant au-dessus de sa tête, Jésus, roi des Juifs. Et pendant tout ce temps, de 9h à midi, on a vu que c'était de la moquerie de la part de tout le monde. La race humaine se moque de son Dieu, se moque de son Sauveur, se moque de son Messie, se moque de son roi. On pouvait-tu être plus dans les ténèbres que ça en tant que race humaine? Mais quand le Fils de Dieu était sur la terre, on l'a maudit, on l'a crucifié. On l'a crucifié. C'est notre folie. Mais c'était sa sagesse à lui. C'est ça qu'il voulait. Et là, ce matin, nous allons lire un texte qui va démontrer qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus était sur la croix entre midi et 3h. Lisons ensemble à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui est remplie de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Mais depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. ce qui a entouré la croix de Jésus, ce qui s'est passé était tellement extraordinaire et spécial et spectaculaire que le centenier et ceux qui étaient avec lui pour le garder, donc les autres gardes, dirent la seule conclusion sensée pour eux en regardant ce qui s'était passé de midi à 3 heures, cet homme est le Fils de Dieu. J'ai intitulé cette petite vidéo « La mort du roi le divinise ». Ça fait de lui Dieu. Ces hommes-là en ont vu des gens mourir à la croix. Ce n'était pas les premiers qu'ils crucifiaient. Ce n'était pas les derniers non plus. Mais ce qui s'est passé autour divinise Jésus. Fait de lui le Fils de Dieu mourant sur la croix. La première chose qu'il voit, c'est les ténèbres. Il y a toutes sortes d'explications humaines qu'on essaie de donner, d'éclipses, d'ici, de ça. Mais c'est bien marqué, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc, ça veut dire que le soleil n'éclairait plus la terre. Il y en a qui disent que c'est juste la moitié du globe, c'est pas toute la terre. Ben, s'il faisait noir naturellement sur un bord, parce que c'était la nuit, l'autre côté était dans la noirceur, était dans le soleil. Si le soleil se donne plus à lumière, automatiquement, la terre entière est dans les ténèbres. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il y en a qui disent la terre, il parlait juste d'Israël, il parlait pas des autres pays. On va pas s'ostiner là-dessus. On va pas s'ostiner là-dessus. Même si ça serait juste en Israël. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? C'est déjà un acte spécial. Certains essaient d'expliquer en disant que, vu qu'il y avait eu un tremblement de terre, c'est plutôt les choses qui s'avaient dégagées, là. Il y avait de la grosse poussière, puis il y avait fait sombre seulement. Non, non, non, non. Ça, c'est, tu cherches un moyen, là, d'enlever ce qui s'est vraiment passé. Il y a des ténèbres qui manifestent, selon ma compréhension, le verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les ténèbres qui sont manifestées à ce moment-là démontrent, selon ma compréhension, l'absence de Dieu. On peut pas rendre Dieu absent, Dieu est omniprésent. Mais c'est une manifestation. Moi, j'appellerais ça une théophanie, dans le sens, une manifestation de Dieu. Dieu se retire. C'est pour ça que Jésus crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La seule réponse que nous avons, c'est parce que Jésus est devenu péché pour nous. Et Jésus est séparé de Dieu pendant un temps. Dieu l'abandonne. Donc, je crois pas que c'est ce que les Romains et le centenier ont vu. On va s'en tenir aux centeniers, puis aux gardes. Ils ont pas vu, eux autres, le pardon. Mais ils ont vu un homme, ils ont vu du noir partout, et ils entendent un homme qui crie. Je suis pas sûr que s'ils ont compris l'araméen. Pas sûr du tout. Peut-être que oui. Vu qu'ils vivaient en Israël, peut-être qu'ils comprenaient l'araméen. Mais ils ont peut-être fait la même erreur que les Juifs qui étaient là, qui dirent, il appelle Élie. Ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu Élie. Et certains qui étaient là, ils ont dit, ben, OK, vu qu'il appelle Élie, on va lui donner, ils sont un peu comme touchés, je sais pas, ils vont lui donner un peu de vinaigre et au bout d'un roseau, et Jésus bois. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Après ces 3 heures-là, parce qu'on sait qu'il est mort à 3 heures, après 3 heures de noirceur, Jésus crie, et c'est ce que j'ai lu, est bien correct. Il était quasiment impossible de crier à un homme qui est crucifié depuis 6 heures. Parce que, faut bien comprendre, la mort par crucifixion, tu mourrais pas parce que tu étais crucifié, tu mourrais pas parce que tu avais des clous dans les mains et dans les pieds. Tu mourrais en suffoquant. Et quand tu suffoques parce que tu manques d'air, mais c'est bien dur de crier parce que tu vas crier seulement si tu as de l'air dans les poumons. Donc, il dit, comment ça qu'il fait noir? Les soldats pensent ça. Comment ça qu'il est capable de crier? Et c'est dit au verset 50, il rendit l'esprit. Et c'est pas qui est mort puis qui a subi la mort. Quand nous on meurt, c'est Dieu qui nous fait mourir. Mais ici, c'est Jésus qui rend l'esprit. C'est lui qui décide de mourir à cette heure-là. C'est lui qui décide que c'est terminé. Et je crois que les soldats sont surpris qu'il est capable physiquement de crier si fort et la seconde d'après, mourir. Normalement, s'il avait eu la constitution physique assez forte et la capacité de crier, c'est parce qu'il n'était pas rendu au bout de sa corde. Il n'était pas rendu au bout de la corde. Il était encore capable de crier, donc il n'était pas en train de suffoquer. Donc, il ne devait pas mourir si vite que ça. Mais il crie, et la seconde après, il meurt. Le temple du voile se déchire. Ça, les soldats ne le voient pas. Ils sont pas là. Donc, ils ne le voient pas. Du haut jusqu'en bas. La terre tremble. Donc, le mont Golgotha en shake. Les rochers se fendirent. Donc, il y a un tremblement de terre assez fort pour que ça ébranle la ville de Jérusalem et le mont Golgotha et les roches se fendent. Donc, c'est assez fort. Verset 52, dit que les sépulcres s'ouvrirent parce que ça tremble, les sépulcres s'ouvrent, les sépulcres, les pierres qui sont éroulées tombent, ça brise les sépultures. Et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, il y a des résurrections à ce moment-là où est-ce que Jésus a crié et ayant crié, la terre tremble, les roches se fendent, les sépulcres sont ouverts à cause du tremblement de terre. Au verset 53, il dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et appelèrent un grand nombre de personnes. On a l'impression, en tout cas, quand on lit simplement le texte, qu'ils sont restés dans les sépulcres. Ils sont ressuscités, mais comme si elle restait là. C'est après la résurrection de Jésus, donc. Est-ce qu'ils sont ressuscités puisqu'ils sont sortis tout de suite, et c'est après la résurrection qu'ils sont entrés en ville? Peut-être aussi. Mais, que ce que les gens font, ici, ce que Matthieu fait, c'est qu'il relie ces résurrections-là au moment où ce que Jésus est mort. Est-ce qu'il y a eu des morts? Parce qu'on sait qu'autour du mont Golgotha, étant allé moi-même, mais la Bible nous en parle aussi, que Jésus a été déposé dans un sépulcre qui était pas loin du mont Golgotha. On voit autour du mont, il y a des sépulcres là, autour. Est-ce que les soldats ont vu les sépulcres ouvrir et des morts ressuscités? Est-ce qu'ils ont vu ça? Peut-être. Peut-être qu'ils ont vu cela. Mais une chose est certaine, Matthieu le met ensemble. Donc, la noirceur, le grand cri, rendit l'esprit, les tremblements de terre, les roches qui se fendent, les sépulcres qui s'ouvrent, les morts qui ressuscitent, et qui rentrent en ville, mais seulement qu'après 3 jours. Donc, ils sont peut-être sortis des tombeaux tout de suite, et ils ont rentré en ville, parce que Golgotha est un peu en dehors de la ville. Tout ça mis ensemble, le centenier et les gardes disent, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Ils divinisent le Jésus, le mort sur la croix. Ils disent, il était vraiment le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu veut dire la même nature de Dieu. C'est un être divin. Faisons attention. Nous sommes des fils et des filles de Dieu par adoption. Et lui, il est fils de Dieu par sa nature. Donc, les soldats et les gardes et le centenier, à cause des événements qui ont entouré la mort de Jésus, le font fils de Dieu. Nous qui lisons cela des milliers d'années après et qui croyons que les Écritures sont vraies. Si on nie les Écritures, c'est pas vrai ce qui est arrivé là. Mais si on croit aux Écritures et que c'est arrivé, nous autres aussi on peut dire, il était vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que les soldats étaient les seuls là à ce moment-là? Non, parce qu'il semble, on va voir demain, qu'il restait des femmes alentour. Il y avait des gens alentour de cela. Parce que je crois qu'une grande partie de la masse des gens sont partis à cause de la noirceur, à cause des tremblements de terre, à cause de tout ça. Une grosse gang sont partis. Mais les témoins qui sont invoqués ici, c'est les soldats, je veux dire, et le centenier. Mais à partir du verset 55, on voit qu'il y a des femmes qui regardent de loin. Donc, il y a des témoins de tout cela. Nous, on est témoins par les Écritures. Et croyant aux Écritures, nous sommes convaincus que cet homme mort à la croix, qui avait été déclaré Messie par les Écritures, Matthieu nous a convaincus qu'il était le Messie qui devait venir. Mais ici, il nous convainc que le Messie qui était sur la croix, le roi d'Israël, était aussi fils de Dieu. Il était aussi fils de Dieu. Donc, celui qui est mort, c'était Jésus, un homme, Jésus, fils de David, Jésus, fils d'un homme, Jésus, fils de Dieu, Jésus, roi d'Israël. C'est lui qui est sur cette croix. Et pour pouvoir sauver l'humanité, il devait être tout cela. Il devait être fils de Joseph, fils de Marie, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il devait être tout ça pour pouvoir nous sauver. Et il l'a accompli. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que demain, il n'y aura pas de vidéo. Le texte à partir du verset 55, s'attache plutôt, selon moi, à la résurrection, que nous allons voir la semaine prochaine, et le départ de Jésus. Donc, lundi, nous allons recommencer à partir du verset 55. Bonne fin de semaine à chacun de vous. Notre Père du ciel, béni sois-tu, que tu as envoyé ton Fils sur la terre, afin qu'il meure de cette croix infâme, afin de pouvoir établir ton royaume, sauver tes élus, afin qu'ils puissent te glorifier pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.